soudain. La télé, c'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutre, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Images du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville pour lui pâter de maison comme un vieux livre que c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Mercedes arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Je suis pas sûr que ça a été cité, mais pour moi c'est important de citer un article premier de la loi du 3 janvier 92. L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable dans le respect des équilibres naturels sont d'intérêt général. L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation, sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable dans le respect des équilibres naturels sont d'intérêt général. L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établi. C'est la loi du 3 janvier 1992 et c'est Sandrine Villatte à l'instant chargée de mission. Gestion quantitative de l'eau, service eau et environnement de la direction départementale des territoires de la Loire qui nous le rappelait lors du forum départemental et citoyen sur l'usage de l'eau, partage eau qui a eu lieu jeudi dernier 15 juin, toute la journée dans la salle Le Trait d'Union à Chambœuf, dans la plaine du Forêt. C'est tout ce dont il va être question aujourd'hui. Bonjour Saint-Étienne, bonjour le monde. Partage eau, démarche citoyenne dans la Loire, la raréfaction de la ressource en eau liée à un dérèglement climatique devenant hors de contrôle à l'échelle planétaire devient un sujet de société alarmant et notre département, la Loire, n'y échappe pas. Si la situation à l'échelle départementale est contrastée du sud au nord, de l'est à l'ouest, les perspectives sur les 20 à 30 prochaines années annoncent une réduction des volumes d'eau disponibles pour les divers utilisateurs. Les risques de conflits d'usage, voire de guerre de l'eau, sont déjà d'actualité dans d'autres territoires. Le Treuil, réseau citoyen, soutient la transition en matière d'agriculture, d'alimentation responsable et de préservation de l'environnement. C'est à ces titres que cette association et son réseau a décidé ou ont décidé de faire du partage de l'eau un sujet de réflexion et d'avancée collective, considérant l'eau en tant que commun. Cette journée forum départemental a déjà été précédé depuis mars dernier d'une douzaine d'actions préparatoires et de sensibilisation. Ce temps fort du 15 juin à Chambœuf a marqué le lancement d'une action au long cours visant à installer un forum permanent et citoyen. L'objectif est de doter le département d'un outil de montée en compétences, de partage et d'échange, de propositions, structure ouverte de veille et d'expertise citoyenne s'inscrivant dans la durée. Le réseau souhaite agir selon leurs principes de départ, faciliter un dialogue apaisé et transversal sur un sujet comportant des risques d'incompréhension, de déni, de conflit et bien souvent d'intérêts contradictoires. C'est de cette façon que s'est déroulé finalement ce forum départemental, un espace ouvert avec des avis opposés ou contradictoires, en effet, ce qui fut chose eh bien, riche et ô combien intéressante et instructive. De nombreuses interventions tout au long de la journée, nous avons eh bien, couvert l'événement, plongé finalement aujourd'hui dans ce forum départemental. En effet, vous allez être en immersion eh bien, partielle finalement hein, via quelques rencontres, interviews que nous avons réalisées sur site. Cela, le disait, fait depuis, on va dire, trois mois, mars dernier, que le réseau travaille à ce forum départemental. Voilà qui tombe à point nommé alors qu'il y a trois mois exactement, le 22 mars dernier, s'ouvrait la journée mondiale de l'eau. Quelques jours plus tard, fin mars, vous l'avez sans doute suivi, le président Macron présentait son plan eau, parlant de sobriété, de changement de modèle, etc. Nous allons tenter, eh bien, voilà, de vous faire voyager, naviguer finalement sur ces eaux parfois troubles et ces perspectives politiques et environnementales notamment. Vous aurez l'occasion, eh bien, d'aborder ou d'y retrouver différentes sujets, thématiques, déclinés eh bien, sur le secteur de l'agriculture, eau et agriculture, eau potable et arrosage, en partant sur un terrain d'ailleurs totalement inconnu nous concernant, Tea Green Fairway. Tout là, cela vous dit peut-être quelque chose ou pas. On parlera gestion, entretien et pratique du golf. Et oui, et notamment à Saint-Étienne. Eau potable, mais non buvable, un problème dans l'Ondaine, mais pas seulement. En 2023, des citoyens ne peuvent pas utiliser l'eau du robinet alors qu'ils doivent continuer à payer, voire à subir des augmentations pour un service dont ils ne peuvent pas profiter. Le collectif Eau Citoyenne Bien Commun est en veille active sur ces questions. Enfin, une autre gestion de l'eau est possible. Après des années d'un service délégué à Veolia, l'opérateur historique, le marché de l'eau est désormais géré en régie publique à la métropole de Lyon. Vous entendrez sa vice-présidente qui en a la charge, qui nous présentera cette reprise en main de la maîtrise de l'eau lyonnaise. Et cela nous renverra forcément à notre modèle et situation locale sur la métropole stéphanoise. Et au fil de l'eau, si j'ose dire, ou au fil de ce programme, vous l'entendrez, eh bien, différents sujets et points déclinés qui feront étrangement écho à d'autres points d'actualité. Partage eau, ce sera la thématique principale tout au long de ce programme chargé. On a un peu la tête sous l'eau ici sur 895 de Dio, autant vous le dire, en cette presque fin de semaine. Un programme chargé, en effet. Donc, pour ce programme, des mots, des sons sensibles aujourd'hui, qui va s'ouvrir, comme à notre habitude, néanmoins en musique, avec notre découverte partenariat Ferrarock cette semaine, notre fédération nationale des radios associatives rock de France, qui vous propose de découvrir le nouvel album de Parade, qui est sorti le 26 mai dernier chez Lollipop Records. C'est un quatuor qui nous vient de Marseille, qui avait sorti un premier EP en 2019 ou 2020, toujours chez Lollipop Records. Une, on va dire, esthétique aux multiples influences, post-punk, noise pop, folk, rock psyché. Un certain succès dans la presse spécialisée, en tout cas certaines reconnaissances en effet, avec le relais dans plusieurs presses nationales spécialisées, mais aussi sur d'autres médias, blogs et voire émissions de radio. 3 ans après ce premier EP, bien, les voilà donc de retour. Parade sort un nouveau disque intitulé It All Went Bad Somehow. C'est sorti via Lollipop Records, distribué par l'autre distribution. Alors, voilà, un titre qui semble de mauvais augure. Tout s'est mal passé d'une manière ou d'une autre, mais on va être un peu plus positif et optimiste avec la plage que j'ai sélectionnée, qui est celle numéro 5, puisqu'en effet, en ce 22 juin, lendemain de 21, nous sommes passés à l'heure et période et saison estivale. Alors, sera-t-elle sèche, chaude? Sans nul doute. Pour aujourd'hui, la météo est plutôt pluvieuse et humide. Et c'est le cas d'ailleurs de ce printemps. Ce titre s'intitule Summer Sunset. On va tenter d'en profiter en effet. Coucher de soleil d'été, c'est Parade. Des mots, des sons sensibles, c'est parti. If I give you some, the game is done. You've never said you're in, well, nothing's wrong. If nothing's right, as we get along, it's all a summer sunset and we'll be gone. I've always known you won't take time to make it happen. Make me feel like I'm the real deal and you're the one with whom I'll get away. Absorb the natural love, looking for somewhere else to play. Well, it's a shame you ruined the game. I'll sit my mouth in. Et donc Parade avec cet extrait de ce nouvel album It All Went Bad Somehow, sorti le 26 mai dernier chez Lollipop Records. C'est la découverte Ferrara Rock cette semaine aux côtés de Soap Parade. Vous avez toutes les infos en suivant bien sûr le site dédié ferrarock.org et en écoutant le programme Ferrara Rock mutualisé et collectif. Dig Dig Diggers avec interview des groupes, écoute et donc différents sujets proposés. C'est chaque vendredi sur Duo, 12h, 19h et le lundi matinal 8h. Partageo, c'est le sujet du jour dans ces mots et son sensible spécial consacré à ce forum départemental et citoyen sur l'usage de l'eau qui s'est tenu jeudi 15 juin dernier en journée à Chambœuf dans la plaine du Forêt, un forum sur l'eau dans la Loire parce que le dérèglement climatique est à l'œuvre, une pluviométrie en baisse, une raréfaction de la ressource, des conflits d'usage et craintes liées aux attentes contradictoires finalement des utilisateurs, l'urgence de s'adapter collectivement à une nouvelle donne. Et parce que l'eau est un bien commun, sa gestion et son partage équitable concernent chaque citoyen et il faut mettre ce dernier au cœur du débat. L'intervention d'une quinzaine de professionnels et secteurs d'activité utilisateurs de l'eau, un lieu de médiation entre les acteurs, des regards politiques croisés, opposés parfois, une table ronde d'échange, des perspectives pour une veille citoyenne ultérieure. Tout était ainsi en objectif dessiné au travers de ce forum départemental Partageau, forum départemental et citoyen, sur lequel je vous propose de revenir en grande partie dans ce programme spécial. Intervention, je le disais, et couverture partielle, nous avons suivi une grosse demi-journée de ce forum départemental. Plusieurs interventions proposées aujourd'hui, comme je le présentais dans le sommaire, et on va démarrer de suite avec un exemple hors local et hors région stéphanoise, avec eh bien une certaine gestion de l'eau, comme quoi une autre gestion et un autre mode opératoire est possible. Je le disais, après des années d'un service délégué à Veolia, l'opérateur historique, le marché de l'eau est désormais géré en régie publique à la métropole de Lyon. Vous allez retrouver d'ici un instant sa vice-présidente qui en a la charge, qui va nous présenter cette reprise en main de la maîtrise de l'eau lyonnaise. C'est d'ici un instant sur Duo. Anne Gros-Perrin, vice-présidente de la métropole de Lyon, chargée du cycle de l'eau. Et vous êtes également élue en métropole lyonnaise, sur la commune d'Oullin. Vous êtes. Oui, c'est des circonscriptions, la métropole de Lyon, hein, puisqu'elle a statut de département maintenant, c'est une collectivité un peu à part. Donc je suis élue pour la circonscription Lône et Coteaux et j'habite Oullin, donc plus particulièrement, donc une commune de cette circonscription. Est-ce que vous pouvez nous dresser peut-être déjà un état des lieux, ce que vous avez un peu fait durant votre intervention, de ce qu'il en est de cette question de l'eau, ex-eau et assainissement, vous l'évoquiez, et une évolution aussi hein, dans la mission, ou je dirais, ou le vocabulaire finalement, mais peut-être commencer par cet état des lieux que vous aviez aussi présenté tout à l'heure. Alors, l'état des lieux serait long à faire. Hein. Ce cycle de l'eau, pourquoi effectivement on a changé cette appellation, puisque l'eau et assainissement étaient vus souvent comme une affaire d'usine, de tuyaux, de production, dans un référentiel extractiviste hein, de l'eau, comme je l'ai mentionné. Aujourd'hui, on est dans une situation où il faut complètement repenser notre rapport à l'eau et notre rapport à la gestion de l'eau, gestion en bien commun, puisque c'est un bien commun vital, non seulement pour l'humanité, mais pour l'ensemble du vivant. La situation du changement climatique a amené une prise de conscience accélérée sur ces deux dernières années. Les citoyens ont longtemps été éloignés en fait de la conscience des problématiques de l'eau. On avait le sentiment d'avoir de l'eau en abondance en France en particulier. La raréfaction de la ressource a atteint notre territoire. D'ores et déjà, 14% de l'eau douce renouvelable, c'est-à-dire l'eau douce qui rentre sur notre territoire par les pluies, par l'apport des cours d'eau, 14% de cette eau douce a disparu déjà en France. Et ça, aujourd'hui, on le ressent, notamment sur des tas d'usages et l'usage agricole en tout premier lieu, puisqu'il est utilisateur de 58% de la ressource en France. Mais également, on note des tensions sur la ressource, y compris sur l'alimentation en eau potable, puisque 700 villages et villes l'année dernière, en 2022, ont souffert du manque d'eau potable, en fait, se sont trouvés dans des situations de rupture d'alimentation en eau potable. Il y a encore des inquiétudes fortes en 2023, et on a bien vu ce matin avec tous les graphiques qui nous ont été présentés que l'évolution climatique, l'évolution de la ressource va nous amener effectivement des problématiques importantes de gestion à l'avenir. Aujourd'hui, on a encore deux tiers en France de nos masses d'eau qui est en situation de recharge insuffisante. Donc on va voir comment on va passer l'été, mais ça va devenir une situation récurrente. Nous ne pouvons plus gérer l'eau sur ce référentiel extractiviste, en fait, qui a visé à le marchandiser pendant des années. Dans les années 80, l'eau a été marchandisée très largement à l'échelle mondiale, mais en France également. Et situation beaucoup plus grave maintenant, elle est financiarisée, puisque l'eau est rentrée, est cotée en bourse sur des marchés financiers en Australie, en Californie, à Wall Street. Donc c'est véritablement il faut que ça interpelle les citoyens, et qu'aujourd'hui les citoyens se ressaisissent en fait de cette gestion du bien commun, reprennent leur place là-dedans, dans un sujet qui avait été très technicisé, qui les avait éloignés des enjeux politiques de l'eau, mais dont aujourd'hui il faut qu'ils se ressaisissent, parce que c'est fondamentalement nos conditions de vie qui sont en jeu, présentes et à venir. Ce que vous pointez là, c'est très intéressant. L'enjeu, il est aussi politique, justement, comme vous l'évoquiez. Que les citoyens s'emparent de la chose, c'est une chose, précisément, mais l'eau est un bien commun. Et c'est aussi peut-être aux politiques de veiller à ce que, précisément, des garde-fous soient installés et soient en place pour que l'eau reste un bien commun, une ressource rare et précieuse, vous l'avez dit, et justement qu'elle soit gérée de bonne manière ou de façon raisonnable, je dirais. Alors, justement, vous vous y employez à la métropole de Lyon. De quelle façon ? Justement, comment vous gérez ce cycle de l'eau, puisque vous en avez la charge ? Je vais quand même citer tout d'abord deux politiques publiques importantes qu'on a déployées pour répondre à ces enjeux. Sur l'enjeu de ressaisissement démocratique et du statut de l'eau et de la problématique eau potable en particulier, du service public de l'eau potable, nous avons décidé du passage en gestion publique de l'eau potable. Et donc l'eau potable a été gérée depuis plus de 30 ans en délégation de service public, confiée à un délégataire privé, Veolia, pendant 30 ans, et nous avons décidé de sa reprise en gestion publique. Pourquoi reprendre l'eau en gestion publique ? Pour plusieurs raisons qui sont essentielles. Celle de la question démocratique, comme j'ai mentionné, redonner une place aux citoyens dans la gestion publique. Nous l'avons fait, j'expliquerai comment après, mais au sein du conseil d'administration, puisqu'une régie publique, elle est gérée par un conseil d'administration composé d'élus, nous avons fait une place aux citoyens, puisque nous avons 4 sièges qui sont réservés aux usagers, qu'on appelle plus consommateurs, mais usagers de l'eau, au sein du conseil d'administration de la régie. Je vous expliquerai comment on a fait après, mais pour vous donner les grandes missions de la gestion publique, ce qui était confié à un délégataire privé, c'était l'exploitation, c'est-à-dire la production et la distribution de l'eau potable. Ça n'était pas la préservation de la ressource et la question du droit à l'eau. Or aujourd'hui, ce sont des missions qu'on a confiées à la régie, c'est-à-dire qu'il y a tout en amont de la production, la nécessité de protéger, de préserver la ressource, donc sur des dimensions qualité et quantité, et dans des usages partagés avec les autres usages. Et puis, en aval, il y a toute la question du droit à l'eau, qu'on pense effectif aujourd'hui en France, mais qui n'est pas forcément. Ça a été déclaré droit essentiel par l'ONU il y a plus de 12 ans maintenant, droit essentiel fondamental de l'être humain, Aujourd'hui, dans une métropole comme la nôtre, il y a 3000 personnes qui vivent à la rue en permanence, qui n'ont pas accès à l'eau pour leurs besoins essentiels, vitaux, je dirais, boire et manger, sans parler des autres usages essentiels. Et on a 22 000 personnes qui vivent dans des conditions précaires et qui ont aussi des difficultés d'accès à l'eau pour leurs besoins essentiels. Donc cette question du droit à l'eau, elle est aussi fondamentale aujourd'hui. Il y a une vraie nécessité à travailler cette question et à veiller à ce que chacun ait accès à l'eau pour ses besoins essentiels. Donc ces missions qui ont été confiées à la régie, nous pensons que la gestion publique est adaptée pour faire face à ça parce qu'elle n'a pas les mêmes finalités. Une finalité de droit privé, c'est une finalité qui est destinée à rentabiliser un service, générer du profit. La gestion publique, elle n'a pas cette finalité-là. Elle a des finalités sociales, écologiques, qui sont fondamentalement différentes, économiques également, puisqu'on doit assurer l'équilibre du service, bien sûr, et toutes les marges qui étaient autrefois des marges consacrées, des marges du délégataire, vont être consacrées au bénéfice du service, aux investissements, à l'amélioration du service aux usagers. C'est vraiment une reprise en main technique de la capacité à gérer ce service d'importance vitale qu'est l'eau et de le réinternaliser au sein de la collectivité pour pouvoir le maîtriser dans des situations, vous l'avez bien compris ce matin, où on va devoir faire face à des crises dans le domaine de l'eau. Quand est-ce que vous êtes passé en régie publique ? Au 1er janvier 2023. Donc c'est tout récent en fait. C'est tout récent. On a travaillé 2 ans sur cette reprise en gestion publique. On a décidé ça en tout début du mandat, donc fin 2020. Et on l'a mis en application, enfin on l'a travaillé, on l'a construit pendant 2 ans pour arriver au passage à la bascule en gestion publique au 1er janvier 2023. Alors ce qui n'est pas le cas par exemple pour la métropole stéphanoise, oui. qui reste encore partie en délégation de services publics. Souvent d'ailleurs, on va dire contraint par des obligations contraintes. Actuel. Vous arriviez à terme d'un contrat, c'est vous ça. Avez cassé un contrat, comment ça se... Non. On arrivait à terme d'un contrat, c'est ce qui permet de le faire dans des bonnes conditions. Et nous avions la chance d'avoir un contrat de délégation de service public très exigeant auparavant. Il y avait des élus qui avaient porté cette idée de la gestion publique, mais qui étaient passés par une étape intermédiaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle un contrat de délégation de service public de deuxième génération, avec des choses très précises, des indicateurs nombreux qui permettent de border le contrat, de border la fin de contrat. Et ça, c'est un outil qui est important quand on veut passer en gestion publique. C'est pas impossible de le faire autrement, mais c'est plus complexe. Là, on avait quand même des outils juridiques et contractuels qui nous permettaient d'aller plus facilement vers la gestion publique, même si ça reste quand même une aventure. En fait, de passer en gestion publique, oui. Mais une très belle aventure et pour notre part qu'on estime très réussie. On a réussi à embarquer en fait les 280 salariés du Grand Lyon, filiale de Veolia, qui sont aujourd'hui membres de la régie publique au public du Grand Lyon. Ça c'est pour le côté technique, mais au-delà, parce que là on est à Chambœuf, petite commune rurale, l'agglomération lyonnaise c'est autre chose. En fait c'est un regroupement de, on a évoqué Saint-Étienne Métropole que l'on connaît par ses plus de 40 communes membres et parties prenantes. Qu'est-ce qu'il en est en termes de Lyon ? Et quand on imagine comme ça une régie publique sur la question de l'eau et du cycle de l'eau, c'est pour aussi alimenter un bassin de combien d'habitants, d'habitantes ? Enfin, c'est un projet d'envergure. Ouais. 1,4 million d'habitants, 59 communes font partie donc de la métropole de Lyon. Il n'y a pas de dimension idéale pour une régie. Il y a des grandes régies, il y a des plus petites régies. Le choix de la gestion publique, il est en train de beaucoup évoluer en France. Il y a beaucoup de communes et de communautés de communes, puisque c'est plutôt l'intercommunalité qui est la bonne dimension pour gérer l'eau, le service public de l'eau potable. Il y a beaucoup de retours en gestion publique. On n'est pas, on a la métropole de Bordeaux qui est passée en même temps que nous, dans le même timing, en gestion publique. Et sans arrêt, en fait, on fait partie de nous de France au public, qui regroupe les régies françaises, en fait. Et on a de plus en plus d'adhérents, parce qu'il y a de plus en plus de collectivités qui se posent la question de cette reprise en main de ce service d'importance vitale. Alors, au-delà de la reprise en main et de la gestion en tant que telle, quels axes peut-être vous travaillez en priorité ? Vous avez commencé à esquisser tout à l'heure un petit peu des dispositifs ou actions concrètes qui sont menées en termes de villes perméables ou imperméables. Oui. Enfin, expliquez-nous un petit peu sur quel chantier vous vous engagez. Alors là, ce n'est pas la régie publique qui a cette vocation. La régie publique, elle a la préservation de la ressource, mais elle est dédiée à l'eau potable, la régie. Le cycle de l'eau au sein de la métropole de Lyon, les services du cycle de l'eau gardent des compétences très importantes. Ils sont autorités organisatrices de l'assainissement. Ils sont gestionnaires des eaux pluviales. C'est à ce titre qu'on a mis en place une stratégie ville perméable. Également, on est détenteur de la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et protection contre l'inondation. Donc il y a de nombreuses compétences dans le cycle de l'eau. C'est une manière de le penser dans sa globalité, en fait, hein, et en transversalité de nos politiques publiques. La politique ville perméable, c'est une politique qui vise... Nos villes se sont considérablement artificialisées, ce qui a amené, en fait, notamment au XIXe siècle, hein, la création de grands réseaux d'eau usée, d'eau pluviale, et souvent de réseaux unitaires, c'est-à-dire que l'eau de pluie rejoint les eaux usées, et elle est traitée, elle passe dans nos stations d'épuration, elle est traitée comme un déchet, l'eau pluviale, alors qu'elle manque au territoire, hein. Et dans la métropole de Lyon, c'est 85% de nos réseaux qui sont unitaires. C'est-à-dire que l'eau devient un déchet géré par nos stations d'épuration qui ne sont pas faites pour ça, puisqu'elles ne sont pas faites pour traiter des eaux claires, mais au contraire des eaux chargées en polluants. Ça crée des déversements pollués au milieu, puisqu'elles ne sont pas en capacité de gérer ces afflux d'eau, particulièrement avec le changement du régime des pluies actuel, où on a souvent une alternance d'épisodes de sécheresse intense et de pluie intense et très localisée qui crée des engorgements dans les réseaux, qui créent des ruissellements, qui créent des inondations. Ruissellement d'ailleurs qu'on retrouve aussi en milieu agricole, hein, de la même manière, enfin milieu rural je veux dire, ruissellement agricole, et on en a aussi sur la métropole d'ailleurs, mais qui créent des inondations importantes puisque les villes sont totalement artificialisées et que l'eau ne pénètre plus dans les sols, ne recharge plus les nappes phréatiques, donc ne bénéficie pas au milieu, avec une problématique d'îlots de chaleur urbain qui est de plus en plus important avec l'augmentation des températures. Donc il y a une vraie nécessité de retrouver un cycle naturel de l'eau, que ça soit en milieu urbain ou en milieu rural, hein, de réinfiltrer l'eau là où elle tombe, par des solutions qu'on appelle fondées sur la nature. C'est des solutions simples qui permettent la réinfiltration de l'eau, qui permettent d'irriguer la végétation, de recharger les nappes phréatiques assez aisément par des noues, par des bassins d'infiltration, par des types d'ouvrages qu'on a beaucoup déployés dans la métropole parce que les services du cycle de l'eau avaient déployé cette compétence. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que pour faire face au changement climatique et adapter la ville au changement climatique, on a un objectif depuis 2022 de massification, en fait, de ces procédés, c'est-à-dire on change d'échelle et on essaye d'accélérer ces politiques pour faire face au changement climatique. Donc on a des ambitions effectivement fortes, hein. Maintenant on dit on ne fait plus un projet de voirie où on n'aménage plus un espace public dans la métropole de Lyon sans penser cette question de l'eau en amont. C'était assez facile en fait, puisqu'on avait déjà un règlement d'infiltration à la parcelle systématique sur toutes les zones qui se construisaient, sur les acs, les pupes, etc. Aujourd'hui, on le fait même en milieu urbain dense, c'est-à-dire qu'on met en place des techniques qui permettent la réinfiltration, la déconnexion des eaux pluviales, c'est-à-dire que l'eau ne coule plus dans les réseaux, mais elle s'infiltre dans les espaces qui lui sont dédiés et qui vont aller irriguer les végétaux. Et on a mis en place un système très simple qui s'appelle l'arbre de pluie, qu'on est en train de déployer, qui est un système qui est financé par un programme européen, Life Artisan, qui vise à décrouter, en fait, enlever le bitume autour des arbres. Vous savez, en ville, ils sont tous enserrés par du bitume. Et donc à décrocher sur environ la surface d'une place de stationnement, autour de l'arbre en fait, et consacrer cet espace à l'infiltration des eaux pluviales. Donc en faisant une tranchée drainante sur le bord du trottoir, en ouvrant les bordures de trottoir qui vont emmener l'eau du coup vers cette tranchée drainante, qui va permettre d'infiltrer l'eau dans la fosse de l'arbre, avec deux strates de végétation, puisqu'on met en plus de la végétation sous les arbres pour qu'elle bénéficie également de cet apport d'eau. Et on a constaté, on a instrumenté en fait ces arbres sur les branches, les racines, etc. Et on constate en 18 mois que la croissance de ces arbres par rapport aux arbres témoins qui ne sont pas irrigués de la même manière, elle est double. Elle est doublée, elle a explosé et l'évapotranspiration est meilleure. Et vous savez que l'évapotranspiration, eh ben, c'est ce qui permet de climatiser nos villes en fait. Hein. Donc c'est aujourd'hui absolument essentiel. Donc voilà, on pourrait parler des heures de ce type de politique, mais c'est vraiment des solutions qui sont fondées sur la nature, des solutions de bon sens, qui visent vraiment à retrouver des espaces de pleine terre et d'infiltration, lutter contre l'artificialisation des sols de manière générale, hein, que ça soit en milieu urbain et en milieu rural, pour garder l'eau sur le territoire. Et ça va être vraiment essentiel, ce type de politique va être vraiment essentiel dans les années à venir. Oui, juste pour terminer, effectivement c'est l'enjeu, mais c'est aussi une question de bon sens qu'on a peut-être un petit peu perdu. Et je pense notamment au milieu urbain, ou très dense, comme vous le vivez peut-être à Lyon, moins peut-être à Saint-Étienne, mais de végétalisation même des villes qu'on a énormément perdu. Parce que pour ce cycle de l'eau, c'est aussi un cycle naturel plus large, celle de la végétation, effectivement, donc de la présence des arbres et de la végétation en ville, à la fois pour le bien de l'eau, certes, comme vous l'évoquiez, mais au-delà aussi pour les face aux problèmes de sécheresse et de surtout de réchauffement qu'on va vivre et qu'on vit dans nos villes, qui a été ultra bitumé, quoi, finalement. Totalement. C'est un gros enjeu, ça. C'est un gros enjeu. On a d'ailleurs un plan nature très important à la métropole de Lyon, de végétalisation de tous les espaces urbains, chaque fois qu'on peut, chaque fois qu'on fait des travaux, maintenant, on végétalise au maximum, mais c'est vraiment toujours assorti, on essaye de l'assortir vraiment à cette désimperméabilisation des sols. Parce que les arbres, s'ils sont mal plantés, on s'aperçoit qu'ils meurent très facilement, et on voit, ils sont malades ou ils meurent, donc il faut aussi garantir effectivement cette alimentation, cette irrigation de la végétation qu'on plante pour que ça fonctionne. C'est-à-dire. Et on est en train de recréer des petites forêts urbaines, enfin des espaces végétalisés qui permettent d'avoir des poumons verts et des poumons de rafraîchissement en fait dans la ville. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Exemple donc en métropole lyonnaise avec Anne Grosperrin, à l'instant vice-présidente écologiste en charge de l'eau à la métropole de Lyon. Une autre gestion de l'eau après des années donc d'un service délégué à Veolia, l'opérateur historique. Le marché de l'eau est désormais donc en régie publique à la métropole de Lyon et vous l'avez entendu, ce depuis le 1er janvier de cette année. Voilà pour cette reprise en main de la maîtrise de l'eau lyonnaise. Un groupe Perrin intervenait donc dans le cadre de ce forum partage eau qui se déroulait le jeudi 15 juin dernier à Chambœuf. Dans la foulée, eh bien c'est aussi l'exemple plus local de la métropole stéphanoise qui était abordée avec l'intervention de Bernard Bonnet, qui est vice-président en charge de l'eau à Saint-Étienne Métropole, mais qui n'aura pas abordé cette question précise et de ses modalités dans sa gestion de l'eau, alors que c'est une question qui a fait couler, non pas de l'eau, mais beaucoup d'encre durant ces dernières années. On rappelle qu'après 30 ans que le marché de la production et de la distribution de l'eau sur Saint-Étienne Métropole et la ville, notamment, était dans les mains de la filiale de Suez, Stéphanoise des Eaux. Le contrat arrivant à échéance a été renouvelé et maintenu en mode délégation de service public. Selon une décision en conseil communautaire, c'était en janvier 2021, et c'est un nouveau marché sur 13 ans qui a été signé avec la SOR, la Société d'aménagement urbain et rural. Un nouveau marché sur 13 ans et 3 mois, se engagé donc depuis octobre dernier, octobre 2022. On rappelle que la SOR est aussi le principal actionnaire est un fonds d'investissement suédois. Et cette OELI, avec cette en-tête que les habitants ici de Saint-Étienne Métropole, en grande partie de 13 communes notamment, reçoivent ainsi ces factures avec cette en-tête, donc comme je le disais, depuis le 1er octobre dernier. Factures d'eau potable sont 118 000 abonnés, 13 communes essentiellement donc alimentées par la station notamment de traitement de Solor. Bernard Bonnet est revenu principalement sur le fonctionnement de l'eau sur la métropole, en pointant notamment ce qui est peut-être l'épine dorsale de notre réserve en eau, le barrage de Lavalette. Sur la métropole, ce sont 52 millions de mètres cubes de réserve en eau et c'est 41 millions de mètres cubes pour le barrage de Lavalette à lui tout seul. Voilà, un barrage qui alimente les stations de traitement donc de Solor pour alimenter Saint-Étienne principalement, la station des Quatre Vents à Firminy ou encore la station du Chambon-Feugerolles. Un barrage qui, problématique de l'eau, est descendu au seuil minimal de 11 millions de mètres cubes l'été dernier, ce qui a généré de certains problèmes de traitement de l'eau. Vous allez l'entendre d'ici un instant, notamment dans la vallée de l'Onden. En tout cas, voilà, nouvelle délégation de service public sur Saint-Étienne Métropole, sorte de clap de fin aussi d'un certain épisode qui aura tout de même duré trois décennies, puisque c'est en 92 que la municipalité François Dubonchet avait signé le fameux affermage de 30 ans et qui avait fini par provoquer d'ailleurs la démission de ce dernier deux ans après, avec d'ailleurs, alors petite parenthèse, eh bien, et c'était une première ou presque, l'envahissement de conseil municipal. Donc on fait la petite parenthèse, tout simplement pour annoncer un prochain conseil municipal à Saint-Étienne. Prendra-t-il l'eau ? À voir, puisque ce nouveau rendez-vous, dernier avant cet été, est prévu ce lundi à partir de 14h à l'hôtel de ville, à suivre sur le site de la ville, mais aussi un rassemblement qui est prévu à 18h à l'hôtel de ville de Saint-Étienne pour une collecte de pièces rouges, l'objectif étant de récolter 60 000 euros. Vous savez sans doute pourquoi. Suivez mon regard, puisque Gaël Perdriau va devoir s'acquitter de la somme de 60 000 euros donc en caution pour éviter la prison en attendant son procès et ne pas imiter ainsi son ancien directeur de cabinet qui est actuellement incarcéré pour ne pas avoir payé précisément sa caution ou à compte de caution. Bref, c'est le comité des fêtes en un seul mot qui appelle à son rassemblement aussi dans le cadre de ce conseil municipal de ce lundi. Bref, nous fermons la parenthèse pour parler d'eau potable toujours, mais non buvable. Et je le disais, un problème dans l'Onden, mais pas seulement. En 2023, des citoyens, citoyennes ne peuvent pas utiliser l'eau du robinet alors qu'ils doivent continuer à payer, voire à subir des augmentations pour un service donc dont ils ne peuvent pas profiter. On va retrouver le collectif Eau Citoyenne Bien Commun qui est en veille active sur ces questions. Donc il y a un collectif qui s'appelle Eau Citoyenne Bien Commun et qui s'intéresse à l'eau principalement en Loire-Sud, sur toute la métropole, avec plusieurs composantes bien sûr, la gestion de l'eau proprement dit, et puis aussi sa qualité, sa disponibilité, parce que l'eau, on ne peut pas la considérer simplement quand elle sort du robinet, elle vient d'une source et elle va ailleurs après. Donc on a une approche globale et une approche où on pense que vraiment les citoyens doivent s'emparer du sujet. Parce que si on nous fait des mesures de restriction, de contraintes, etc., on peut les accepter, mais si on en a parlé, si on a partagé le pourquoi du comment, on sera dans des positions différentes et il faut que la parole citoyenne soit largement entendu. Il y a des collectifs qui sont montés face à des problèmes, mais faut-il attendre qu'il y ait des problèmes pour que les collectifs soient entendus ? C'est bien ça la question. Oui, alors c'est souvent sur ces points-là que vous intervenez, c'est un peu vos chevaux de bataille quoi, finalement, c'est là où il y a les problèmes. Vous vous êtes constitué précisément en rebondissant sur un problème existant, me semble-t-il, si vous voulez en témoigner. Alors, le problème de départ, nous on se pose la question de l'eau en termes de gestion, publique ou privée, ça c'est un aspect. Malheureusement, les citoyens ont eu des positions et les élus qui sont élus ont choisi autre chose avec les délégations de services publics, mais nous sommes vigilants sur la qualité de ces services. Comment les services sont-ils suivis, contrôlés, poussés à faire des choses de qualité et comment dans certaines situations qui sont très difficiles, c'est le cas de l'Onden et de Fraisse avec cette fameuse eau saumâtre, eau marron, hein, avec une expression qui est assez ahurissante, il y a de l'eau potable mais non buvable. Comment peut-on imaginer dire cela en 2023 alors tout un chacun s'attend à ce que l'eau qui coule du robinet soit au moins aussi bonne que l'eau en bouteille dans les bas de gamme comme l'on peut acheter en grande surface. Alors on va revenir sur cette situation de l'Onden. Dans un premier temps sur la question de la gestion de l'eau. On a eu un exemple ce matin de la métropole lyonnaise par exemple qui est passée en régie publique. Ce n'est pas le cas à Saint-Étienne, il y a eu une fin de contrat, un nouveau contrat a été engagé. On est en DSP à nouveau. Vous êtes intervenu là aussi hein, sur ces points parfois délicats et de crispation même parfois, comment ça s'est passé justement aussi précisément sur ces questions-là à la fois de la métropole, donc de Saint-Étienne et les positionnements de communes diverses et variées je dirais. Alors effectivement c'est assez compliqué parce qu'on sent bien qu'il y a une sorte de rouleau compresseur qui avance en augmentant le nombre de délégations de services publics, mais il y a aussi un autre aspect, on nous dit il y aura des régies d'eau brute, soit ça veut dire que la collectivité va garder la main et toutes les décisions et la technique sur ces ressources, mais il faudra encore que ces régies soient le plus transparentes possible et aussi que des citoyens puissent être associés au moins aux informations. On a vu ce matin des informations chiffrées qui ont été données, que nous avions demandé par ailleurs et qu'on voit apparaître ici sur un exposé du matin. Pourquoi ne pas communiquer largement sur toutes les situations concernant l'eau brute, le niveau des barrages, la qualité, etc. Parce que ça intéresse les gens. On sait maintenant que l'eau, ça devient un sujet. C'est vrai que ça paraît compliqué, mais si on veut le rendre compliqué, on peut. Mais si on veut le rendre simple, à l'inverse, on peut aussi comme ça s'est fait d'ailleurs dans des publications, c'était très intéressant. Quand on parle de métier pas intéressant, le métier de l'eau, il est fascinant. Il y a plein de gens qui s'investissent là-dessus. Et quand on a des publications qui nous montrent comment fonctionnent les choses, et quand on donne en temps réel, on a des outils maintenant numériques qui permettent de nous donner, non pas au jour le jour, mais au mois le mois, la situation. Pourquoi ne pas avoir un bulletin de l'eau mensuel sur la métropole qui dirait voilà où nous en sommes, de la consommation de la ressource, des différents aspects. C'est quand même assez évident qu'on a besoin de ça. Et le clin d'œil d'ailleurs, c'est un jeu de mots. Le prestataire qui est une émanation de la SOR qui s'appelle OELI a eu comme slogan « mieux vous connaître ». Mais quand on interroge la SOR pour mieux les connaître, c'est le mur. On nous répond que les conditions juridiques de données privées, etc., que le plan Vigipirate interdit de fournir des éléments, c'est assez hérissant. On n'est pas contre ces gens-là. D'ailleurs, en plus, ces techniciens sont souvent des gens très bien, qui font très bien leur boulot, mais on veut quand même pouvoir poser des questions et avoir des données chiffrées, actualisées, pour comprendre en tant que citoyen où nous en sommes par rapport à notre eau potable et à l'eau en général sur la métropole et sur le Loir-Sud. Quel est l'état des lieux véritablement aujourd'hui? Alors, c'était Suez, le prestataire avant, qui s'appelait la Stéphanoise des Eaux. Alors, je vais faire un jeu de mots quand même facile, point de vue géographique. On est Saint-Étienne, point de vue géographique, on est un peu sur les lignes de partage des eaux. Et c'est un petit peu pareil au niveau de la société. On ne veut pas être polémique, on ne veut pas rentrer dans le détail. Mais c'était très surprenant de voir que Suez, qui était apparemment bien établi, n'a pas eu la suite. Par contre, ils ont des marchés complémentaires. On a une régie sur l'assainissement, mais les niveaux de contrats en millions d'euros sont très importants. Et Suez a des gros contrats d'aide sur l'assainissement. Donc, il ne faut surtout pas être polémique parce que là, on va s'y perdre. Mais on voit bien que les majeurs de l'eau qui s'investissent durablement et qui font des marges bénéficiaires qui, des fois, sont modestes ou plus importantes, sont là pour durer. Et les longs marchés permettent de dégager des profits qu'on aurait pu ne pas mettre sur des profits, justement, mais mettre dans l'investissement, sur les réseaux, sur tout le matériel. C'est ce qu'on regrette encore. Et on sera vigilant à voir que les sociétés nous donnent des résultats justes et que les services publics ont la capacité à les suivre dans le détail, à avoir un résultat attendu par rapport aux missions qui sont confiées, qui concernent des millions d'euros et des millions de mètres cubes aussi pour tout un chacun. Des communes s'étaient opposées, me semble-t-il, à cette DSP. Est-ce qu'elles ont obtenu gain de cause ou est-ce que finalement c'est aussi un accord commun et qui concerne l'ensemble de l'agglomération qui doivent s'engager sur ce type de DSP? Alors non, c'est justement la loi sur l'eau qui poussait au regroupement d'entités. Et dans une métropole, s'il y a une majorité qui est décidée, elle s'impose à toutes. Par exemple, on avait trois communes qui étaient La Talaudière, Sorbier et Saint-Germain-de-Fonds, qui avaient des régies qui fonctionnaient bien et qui ont été contraintes, malgré la décision des élus locaux qui étaient de tenir une régie, eh bien, ils ont été contraints de passer en DSP. Donc ça s'étend encore, puisqu'on va sans doute avoir un élargissement des DSP avec une fin de contrat de l'ensemble des DSP en 2035. Donc là, pour le moment, le paysage jusqu'à 2035, il est bouclé un petit peu et il est de plus en plus DSP. Donc ça veut dire aussi que les citoyens doivent se mobiliser pour que la qualité des services soit au rendez-vous, parce que ce n'est pas parce qu'on a lâché l'affaire en termes de gestion qu'on va lâcher l'affaire en termes d'intérêt des citoyens sur comment fonctionne notre système d'eau, qu'il soit géré par le privé ou par le public. Alors, fonctionne ou dysfonctionne? Alors justement, il y a eu cette situation dans l'Andenne. Ce matin, ça a été pointé par l'élu en charge à la métropole sur la question des barrages, de leur alimentation et de leur niveau aussi de remplissage. Une situation délicate sur le barrage de la Valette qui alimente quand même une bonne partie du territoire, qui semble avoir été problématique et qui a amené à des problèmes de qualité d'eau. Précisément sur l'Andenne, un collectif s'est constitué, Andenne Eau, pour dénoncer, tenter aussi d'être informé sur de l'eau qui semblait être en très très mauvais état sur l'Andenne. Alors, il semble pas être un très mauvais état, c'est même reconnu par les élus. On a une expression assez hérissante qui est qu'on a de l'eau potable mais non buvable. Potable au sens de l'agence régionale de santé, mais non buvable au sens de tout citoyen. Quand il voit un verre d'eau qui ressemble à quelque chose de marron, il ne la boit pas. Et logiquement, il y a une responsabilité. Alors là, elle est diluée, c'est l'inverse. Autant l'eau est très saumâtre, autant la responsabilité est diluée. Qui est responsable de ça? Alors, on nous dit que c'était le niveau du barrage de la Valette, mais attention, le barrage de la Valette, il alimentait aussi plus loin, donc c'est pas seulement ça. Il y a une station de potabilisation qui était mal gérée, il y a eu des problèmes là-dessus, et on nous dit que c'est les canalisations. Donc c'est compliqué, mais ce n'est pas normal qu'en termes de responsabilité, on n'ait pas une autre situation, parce que les gens qui étaient présents à une réunion qui s'est tenue sous la présidence du vice-président à l'eau et du directeur du service de l'eau, les gens disaient « mais on paye de l'eau, mais elle n'est pas potable ». Quelle contrepartie? Et on leur répond, mais où va-t-on prendre l'argent? Donc on voit bien que la responsabilité est compliquée et on n'aurait jamais dû se trouver dans cette situation-là avec un service de l'eau géré différemment, mieux géré. Ce n'est pas arrivé d'un seul coup. Hein. Des gens le disaient depuis plusieurs années, ils trouvaient que l'eau était un petit peu colorée, mais on n'a pas pris en compte suffisamment ces remarques-là en agissant très fort, parce qu'effectivement, il y a sans doute des investissements à faire, des travaux à faire, qui vont être malheureusement trop longs. Et quand on a eu la réunion, on a entendu les gens à qui on a dit, ben écoutez, ça va durer plusieurs années, ce qui n'est pas admissible d'avoir une eau à son robinet qui n'est pas potable. Les gens prennent de l'eau en bouteille, alors sans parler des problèmes sociaux ou de coût de cette eau, ou matériellement, de dire qu'ils portaient 6 bouteilles qui font 9 kilos, remonter chez soi si on habite au 3e, si on a 90 ans, c'est quand même compliqué. Donc il y a un problème local, mais qui révèle aussi une difficulté dans la gestion de l'eau et qui mérite que tous les citoyens soient plus entendus et plus tôt quand ils disent qu'il y a un problème et qu'on ne nous dise pas qu'elle est potable au sens de l'ARS, parce que c'est ce qui a été fait au début, on a dit. Elle est potable, donc circuler, rien à voir. Oui, mais enfin, elle n'est pas buvable. Alors du coup, qui en a la gestion, qui en porte, ça se renvoie la balle, qui en a véritablement la responsabilité, qui a en charge la gestion de l'eau sur l'Ondaine? C'est précisément la société dont nous parlions, en DSP. Alors non, c'est plus compliqué, parce qu'à la fin de la gestion, c'était encore la Stéphanoise des eaux, et cette station de potabilisation a été gérée par eux. Il y a eu un changement d'opérateur, donc là, au changement d'opérateur, il y a forcément une perte de connaissances, et si ça avait été peut-être mieux suivi avant, peut-être que la station de potabilisation, elle aurait été améliorée avant qu'on ait le problème. Donc c'est compliqué, mais il y a bien une responsabilité. Alors, il ne s'agit pas d'accuser l'un ou l'autre, mais ça montre bien qu'il faut être plus vigilant sur la qualité des services et anticiper chaque fois que des citoyens disent, parce que c'était quand même en plusieurs temps, disent on a un problème avec l'eau, l'eau du robinet, elle coule, elle sent pas bon et elle fait mal au ventre à certains. Il aurait fallu réagir plus vite. Il a fallu quand même plusieurs mois pour que se déroule cette réunion d'il y a quelques semaines avec des solutions qui ne sont pas immédiates. Il y a eu des travaux de fait, mais pour le moment, la situation n'est pas éclaircie au sens propre du terme. Ouais, alors, quelles sont les solutions envisagées? Parce que du coup, préjudice subi, là, tout de même, donc il y a des recours envisagés et possibles? Alors, les militants de l'association Ondano peuvent peut-être se poser la question de voir, il y a une notion de responsabilité. Si on ne délivre pas une eau considérée comme buvable, il y a une responsabilité, au sens responsabilité civile. Ce n'est pas une faute, ce n'est pas une malveillance, mais on peut se poser la question en termes de responsabilité, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin que dire on n'est pas content? Donc là on voit bien les dérives possibles finalement, et vous c'est tout aussi le sens de votre démarche de travail sur la question aussi de l'eau comme bien commun et de services publics, services privés et de ces dérives possibles que sont ce qui a été évoqué ce matin aussi, la financiarisation de l'eau et la lucrativité finalement d'un bien commun. Oui, alors nous on a bu des un peu accusé d'être des bolcheviques. Alors pour rire, j'allais dire qu'on avait le couteau entre les dents. Non, on a simplement la goutte d'eau entre les dents. Mais ce sujet de l'eau, il était délaissé par beaucoup de gens. Il y avait eu l'épisode passage du service des eaux de Saint-Étienne au privé qui est ancien. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un regain d'intérêt sur l'eau compte tenu des problèmes généraux de raréfaction de la ressource et puis de l'importance que ça a. Et aussi, il y a quelque chose qui est sous-jacent, c'est la pollution. On nous parle des polluants, des macro-polluants et des micro-polluants. Donc là, la collectivité tout entière, quelle qu'elle soit, est confrontée à un problème de qualité de l'eau à terme. Donc il va falloir vraiment poser les choses, accompagner les gens dans la compréhension de ces phénomènes pour que notre eau ne se dégrade pas au fil des années, parce que, on l'a déjà vu, il y a des problèmes divers et variés qui sont de plus en plus importants sur la qualité de l'eau. La quantité, c'est une chose, mais si on veut une autre qualité, au-delà du problème ponctuel de l'Ondaine qui est dramatique pour eux, tout un chacun peut se dire, mais est-ce que mon eau, elle n'a pas encore des micropolluants qu'on n'a pas voulu détecter, qui posent problème, ou est-ce qu'en épuration, on a suffisamment investi pour que l'eau qu'on remet à la rivière soit de qualité? Donc là, c'est un petit peu comme quelque chose qui couve. Nous, on alerte là-dessus en disant, attention, voyons comment, en amont déjà, on ne rentre pas une eau avec les produits phytosanitaires, avec l'agriculture qui doit être vertueuse, qui ne doit pas mettre des produits qu'on retrouve dans l'eau, qu'on est obligé financièrement par la collectivité de nettoyer. Et puis quand les eaux sont souillées en sortie, comment on est sûr qu'elles soient de qualité suffisante pour repartir à la rivière? Et puis en termes d'urbanisme, par rapport aux crises et au rafraîchissement, comment on revoit l'urbanisme pour faire des zones humides qui sont l'absorption dans le sol, qui sont des choses qui sont essentielles et qui ne sont pas très coûteuses, mais qui sont de qualité de vie par rapport au réchauffement climatique que chacun maintenant ne conteste plus. Il faut repenser les villes et il faut agir. Chaque fois qu'on voit une place qui se refait, si on n'a pas prévu comment l'eau va s'infiltrer, non pas s'écouler, mais s'infiltrer le plus possible dans le sol, on fait une faute d'urbanisme qui va peser sur les générations à venir. Et ça, il faut évidemment être très vigilant là-dessus. Vigilance et veille active pour le collectif Eau citoyenne bien commun. L'eau est à tous, le rappelait la loi que nous avons rappelé à nouveau en ouverture de ce programme. Et oui, le problème de l'eau dans la vallée de l'Ondaine. Vous avez peut-être suivi, pour citer une chaîne télévisée, le programme Zone interdite sur M6 qui était consacré il y a quelques jours au problème de l'eau potable en France. Et eh bien, des images étaient proposées de la situation locale dans la vallée de l'Ondaine qui ont été diffusées. Une émission qui a mis en évidence deux choses, rappelle le collectif Ondaine Eau. D'abord, la vallée de l'Ondaine est loin d'être un cas isolé. De nombreuses communes de France sont concernées par ces problèmes, comme ça a été le cas par exemple à Nouzonville dans les Ardennes. Et puis ensuite, on constate que ces autres communes, faisant partie de communautés de communes bien moins importantes que celles de Saint-Étienne Métropole, des travaux importants ont été réalisés en urgence pour que la situation redevienne normale. Alors certes, cela va entraîner une augmentation du prix de l'eau, mais cette augmentation aura lieu de toute façon. Et c'est surtout l'accès à l'eau potable qui est en jeu, besoin vital. Doit-on encore le rappeler? Voilà, encore quelques jours, si vous parcourez les réseaux sociaux, le collectif Ondaine Eau a rappelé il y a 4-5 jours de l'eau encore marron qui était présente toute la journée à Unieux. Rappelez encore que sur cette même commune, un conseil municipal vient de se tenir et une motion sur l'eau a été adoptée à l'unanimité. Un conseil présidé par Christophe Favergeon, bien sûr, qui a demandé que d'ici une période de 12 mois maximum soit rénové le système de l'eau. Je pourrais résumer ainsi sur l'Ondaine et sur la commune d'Unieux. Et puis, rappel également du prix de l'eau sur la métropole durant ce même conseil municipal d'Unieux, puisque le prix de l'eau est relativement cher dans l'Ondaine, plus cher que le reste en moyenne dans les 53 communes de Saint-Étienne Métropole. Et le conseil municipal d'Unieux a considéré que, comme sur bien d'autres domaines, la métropole doit favoriser la solidarité et l'équité entre tous ses habitants, comme pour l'assainissement ou l'enlèvement des ordures ménagères. Voilà pour cette situation locale. Après rappel de ce mode aussi existant sur Saint-Étienne après tant de temps, je le disais, de l'eau gérée ou entre les mains de la filiale stéphanoise des eaux Suez. Le contrat est arrivé en échéance. C'est une nouvelle délégation de service public pour un nouveau marché pour les 13 années et 3 mois à venir. Contrat signé marché avec la SOR, la Société d'aménagement urbain et rural, dont nous allons reparler d'ici un instant. Mais pour retour sur ce forum partage eau, forum sur l'usage de l'eau, forum départemental et citoyen, durant les multiples interventions, au-delà des politiques, ce fut aussi des activités de loisirs qui finalement étaient représentées, comme la fédération de chasse, la fédération de pêche, la fédération des kayakistes, ou encore une autre pratique. Nous allons nous lancer sur un terrain que nous ne connaissions pas vraiment. Il s'agissait aussi dans l'intention pour son représentant de casser peut-être les représentations, les stéréotypes. Le terrain sur lequel nous allons nous engager est celui du tee, du green, du fairway. On parle de terrain de golf, gestion, entretien et pratique. Eau potable, vous allez l'entendre, et arrosage. On retrouve Christophe Argou qui est le représentant de la Fédération française de golf en étant président du comité départemental du golf de la Loire. Petite mise au point et rappel. En moyenne, un golf en France consomme 25 000 m3 par tranche de 9 trous. Je parle de moyenne. D'accord. Mais un golf qui n'arrose pas ses fairways, vous divisez par 20, oui, par 20, enfin, oui, facilement. Alors, on ne l'arrose pas, et là vous l'avez dit, ce qui semble être le cas localement, simplement en cas d'arrêté, c'est-à-dire en cas de situation de sécheresse, alors, ou de manière générale? Alors, de manière générale, puisque le golf du Forêt à Craintilleux, par exemple, a décidé cette année de ne pas arroser, à part les greens, puisque les greens sont une merveille agronomique, comme un tapis de billard, et qui a besoin d'un entretien très spécifique et d'arrosage. Mais le golf du Forêt, par exemple, est vraiment précurseur là-dedans, c'est-à-dire que le greenkeeper, le jardinier en chef, a décidé, par un système de tonte et de hauteur de tonte et de tonte croisée, de ne pas arroser et de ne faire qu'un travail mécanique sur le terrain, mais pas du tout de travail d'arrosage. Et à ce stade-là, les joueurs de golf qui joueront au golf du Forêt auront toujours un tapis végétal sous la balle. Il sera sûrement un peu sec, il sera sûrement pas vert, mais un tapis végétal. Et c'est amplement suffisant pour jouer au golf. Donc la pratique du golf, elle aussi, va évoluer. Donc on est en train d'expliquer aux joueurs que les golfs tout verts, c'est terminé. Il va falloir évoluer. Et puis on est sous un climat qui ne se prête pas forcément à des météos favorables pour un entretien presque naturel, hein, ce qui n'est pas le cas. Juste avant que là, cette année, les golfs ont juste arrosé les jours où il faisait très beau les greens, mais n'ont pas fait d'arrosage. Le printemps qu'on a eu a suffi amplement à leur bonheur. Alors, ça semble être un cas isolé, le cas du golf de Craintilleux. Non, puisque les golfs du Superflu et de Savigneux n'ont pas de système d'arrosage et d'irrigation sur le terrain. Et ils ont un système d'irrigation uniquement des greens et des départs. Donc là aussi, eux, ils n'ont pas d'eau. Donc point barre. Et l'eau qu'ils utilisent, c'est de l'eau du canal du Forêt, donc là, qui sert aussi aux exploitants agricoles. Et donc ils ont le droit et ils ont un forfait pour utiliser cette eau pour arroser uniquement les greens et les départs. Mais ils n'arrosent pas leur reste. Alors les greens et les départs, ça représente 1% de la surface du golf. C'est qui représente la moitié d'un terrain de foot, en règle générale. 1%, voilà. Donc il y a 99% du golf qui n'est pas arrosé. Donc pour vous, c'est une représentation un peu faussée que de penser que le golf est très énergivore. Oui, complètement, mais c'est de l'ignorance même. Okay. Et je pense que c'est l'ignorance voulue. Alors on va quand même terminer sur peut-être un point noir, oui. Tout de même. Hein, c'est le golf de Saint-Étienne qui va nous intéresser. Là, vous avez évoqué sa situation et sa gestion. Et alors là, c'est une autre situation. Alors, il faut savoir d'abord que ce golf doit avoir 25 maintenant, tout doucement, voire un peu plus. Et c'est un golf qui a 110 mètres de dénivelé entre le point haut et le point bas. Donc il y a tout ce qu'il faut en termes de dénivelé pour pouvoir récupérer les eaux pluviales. À aujourd'hui, il y a deux bassins là-bas. S'il y a autorisation, puisqu'à priori, c'est chose difficile. Oui, pour l'instant, c'est... voire interdite. C'est interdit même. Et en plus, parce que c'est pas que des eaux pluviales, ils s'aperçoivent qu'il y a des fuites dans les réseaux des eaux usées et qu'une partie des eaux usées arrive aussi dans ces pièces d'eau. Donc du coup, le ministère de la Santé ne veut pas en France qu'on arrose pour l'instant des greens, enfin des parcours de golf avec des eaux usées. D'accord, c'est raison sanitaire. Raison sanitaire. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure en intervention. On retrouve sur nos marchés des avocats espagnols arrosés avec des eaux de station d'épuration, mais ça gêne personne. C'est tout. Mais ça vient d'Espagne. En Espagne, 25% des golfs sont arrosés avec des eaux de station d'épuration. En France, c'est 1% pour l'instant. Alors, il y a un projet d'une centaine de golfs à peu près qui pourraient bénéficier de cette structure d'arrosage. Mais le golf de Saint-Étienne, pour revenir à lui, du coup, vient de déposer, et là, il faudrait aller voir Jean-Pierre Arismendi, le directeur du golf, un dossier à la mairie pour justement pouvoir utiliser l'eau de ces deux bassins de rétention. Et les deux bassins de rétention, bien sûr, ne tapent pas dans les nappes phréatiques ou ne sont pas alimentés par le réseau d'eau potable. C'est vraiment de l'eau de récupération de pluie. Alors, il y a le travail sur cette dérogation, oui. Ce qui n'est pas encore le cas. Donc, pour l'heure, ce qui se passe, c'est que Saint-Étienne utilise l'eau potable arroser son golf. Mais a toujours utilisé l'eau potable pour alors 10%. Depuis 25 ans. Mais 10% des golfs en France sont encore sur ce système-là. Donc voilà, donc la transition, elle est aussi là. À aujourd'hui, Saint-Étienne utilise, mais il ne l'a pas fait l'année dernière, parce que si vous étiez passé l'été dernier, avec les restrictions, le parcours était entièrement jaune. Donc il ne l'a pas arrosé. Et à aujourd'hui, cette année, il ne l'a pas arrosé non plus, parce que nous sommes dans une sécheresse humide, si je peux dire. Hein, malgré ce souci d'économie, oui. Malgré tout, je veux dire, c'est un coût à la fois écologique, mais un coût économique. Qu'est-ce qu'il en est pour le golfe de Saint-Étienne ? Ah ben, sur cet investissement-là, hein, simplement. C'est un investissement. Comme la structure appartient à la métropole et à la ville, il doit y avoir un débat entre le délégataire et les propriétaires. Et donc, ce débat va avoir lieu, puisque, je vous dis, ce dossier a été déposé, mais il faut absolument que les choses évoluent sur tout ça, quoi. Est-ce que vous pouvez me répondre à la question sur le coût réel? Le coût réel, on estime à peu près, ça m'embête de le dire, mais je pense que c'est autour de 100 000 euros d'eau potable à l'année. La 100 000 euros d'eau potable. Tout à fait. Et alors, c'est pas, ça sert à rien de mettre ça à la une des journaux. Hein, mais il faut le dire. Parce que c'est une gestion, la question de l'eau. On l'a évoqué tout à l'heure, l'eau à Saint-Étienne et Métropole, c'est une gestion en délégation de service public. Donc si je saisis à peu près, ou si j'en comprends bien les tenants un peu aboutissants, c'est quelque part aussi un peu le contribuable qui la paye. Oui, mais non, il la paye. Le golf paye son eau. Elle n'est pas gratuite. D'accord. Ensuite, vous rembobinez un petit peu. À l'époque où le golfe de Saint-Étienne a été fait, je vous rappelle que là, on est dans la pure politique, un des exploitants du golfe était le groupe Sort. Et voilà. Et donc, Sort gérait l'eau de la ville et en même temps avait le golf. Donc là, c'est de la politique des années d'il y a 30 ans. Maintenant, on hérite de cet ouvrage qui a été fait dans cette configuration-là et il faut l'améliorer pour que le golf puisse continuer d'exister. Mais il est important que les équipements golfiques s'améliorent sur ce point-là. Sinon, nous disparaîtrons. Alors, c'est un coin important, donc je l'entends. Et vous le disiez tout à l'heure, c'est un équipement, malgré tout, métropolitain et municipal. Ah, bien sûr. En co-gestion. En délégation de service public. En délégation de service public, c'est-à-dire ? La mairie et la métropole, à l'époque, a lancé un appel d'offres pour trouver un délégataire qui gère le golf. Donc le délégataire est le groupe Blue Green et le groupe YouGolf, qui gèrent 80 golfs en France. Voilà. Donc, c'est leur métier. Ils exploitent 80 golfs en France, dont celui de Saint-Étienne. Quand on est délégation de service public, le montage financier, il s'opère de quelle manière ? C'est simple, le locataire paye un loyer à la ville. Voilà, c'est ça. Donc, la ville et la métropole n'engagent aucun financement sur l'équipement ? Alors, sauf pas sur tout ce qui est à la surface, mais sur l'équipement structurel du golf, donc qui permet sa durée de vie, etc. Effectivement, il y a un moment, les travaux peuvent être envisagés en commun avec la mairie et le délégataire. Mais ça sur de l'exceptionnel, mais pas par exemple pas de subvention de fonctionnement ou autre quoi. Ah non, ça, là je précise que la commune de Saint-Étienne gagne de l'argent avec le golf, puisqu'on lui paye un loyer. Donc Blue Green paye un loyer au golf de Saint-Étienne. Je suis désolé, mais peut-être l'aberration quand même en la matière sur la question de l'eau à Stéphanoise, en ayant des équipements pareils tout de même sur le département, en ayant six parcours. Est-ce qu'il ne serait pas peut-être même en réflexion ou envisagé de se dire qu'un équipement sur Saint-Étienne tel que celui-ci n'est plus de ce temps et de se dire on favorise d'autres équipements dans le département. Donc vous privez de golf les 800 ou 900 licenciés de Saint-Étienne. 800 licenciés à Saint-Étienne, 800 ouais. Pratiquants réguliers. Oui, tout à fait. Donc non, parce que égalité, fraternité, je sais pas, on doit être tous à le même niveau. Pourquoi on supprimerait un équipement à Saint-Étienne au nom de l'eau ? Surtout au nom de l'eau. Je veux dire, il y a un moment qu'on améliore les choses. Mais déjà, on en est conscient, donc c'est pas mal. La Fédé œuvre, Blue Green œuvre, et la municipalité va ouvrir le dossier. Voilà, c'est tout. Mais supprimer les équipements, mais alors, je savais pas que le golf de Saint-Étienne, lui tout seul, allait résoudre tous les problèmes d'eau de Saint-Étienne. Non, mais vu le coût que ça représente. Le coût est payé par les abonnés du golf. Il n'est pas payé. C'est quoi alors le coût d'un abonné ? Alors, un abonné de golf, donc c'est quelqu'un qui peut jouer toute l'année au golf. À Saint-Étienne, ça doit s'échelonner entre 1200 et 1500 euros à l'année. Donc il peut jouer 365 jours par an. Voilà. Il y a d'autres golfs dans la Loire où l'abonnement coûte 350 euros à l'année. C'est tout. L'école de golf, parce qu'on peut parler des jeunes, une école de golf, ça coûte dans la Loire entre 20 et 40 euros par mois, équipement compris, cours compris, accès au terrain gratuit compris. Donc, citez-moi des sports plus populaires que le golf. Voilà pour le golf dans la Loire. 6 golfs, avec des gestions différenciées. 6 golfs, un à Saint-Étienne, 4 dans la plaine, un dans le Roannais, des équipements en délégation de service public, c'est le cas dans la plaine Andrézieux, Savigneux, Saint-Étienne, des golfs privés pour le reste. Et alors, à l'instant, Christophe Argot, président du comité départemental du Golfe, nous a éclairé finalement sur la situation locale, qui n'est pas passée. Il parlait de pratiques politiciennes passées d'il y a 30 ans, mais qui revient là violemment au goût du jour finalement, parce qu'il l'a rappelé, le délégataire concernant Saint-Étienne, eh bien c'est le groupe Blue Green et YouGolf, qui gère 80 golfs en France, dont celui de Saint-Étienne, rappelait Christophe Argot à l'instant. Eh bien, petite précision, puisqu'en faisant quelques recherches, je suis tombé sur un article des Échos, qui date d'il y a 13 ans, de décembre 2010. Et, eh bien, tenez-vous bien, c'est la SOR qui était devenue le premier gestionnaire de golf en France à la faveur de rapprochements de taille. Puisque le groupe de services aux collectivités locales avait fusionné en janvier 2010 sa filiale Formule Golf avec Blue Green, qui est donc le délégataire sur Saint-Étienne. Et donc la SOR détient 60% du capital du nouvel ensemble, les 40% restants étant possédés donc par la maison mère de Blue Green, Burgolf Investments. Bien voilà qui nous éclaire sur la gestion et puis ces montages parfois compliqués, voire obscurs, sur ces délégations de services publics. On rappelle, la SOR, gestionnaire aussi de stations d'épuration dans certaines des localités où sont implantés ces golfs. C'est le cas donc dans plusieurs régions en France. C'était le cas en 2010 à Bordeaux, Nantes et donc Saint-Étienne. Aujourd'hui, on vous le rappelle, la SOR a le marché sur Saint-Étienne, signé en conseil métropolitain en janvier 2021 et facturé depuis, vous le voyez sur vos factures pour ceux, celles concernées, depuis octobre dernier. Bien voilà, cela nous amène à une petite parenthèse encore, puisque la SOR est aussi revenue à l'ordre du jour politique il y a très très peu, début de ce mois de juin, par le ministère du Travail, Olivier Dussopt, qui a été et qui sera jugé à Paris du 27 novembre au 30 novembre prochain pour favoritisme dans une affaire d'attribution du marché de l'eau dans sa ville d'Annonay, en Ardèche. Oui, le ministère du Travail, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, était aussi maire d'Annonay, à côté ici de Saint-Étienne, sur le département voisin et limitrophe de l'Ardèche. Jugé pour favoritisme, et là c'est aussi par la chaîne et radio d'information générale, France Info, de sources judiciaires, qui avait rappelé cette enquête du parquet national financier ouverte en 2020, qui visait un contrat conclu en 2009 entre donc l'actuel ministre du Travail, alors député maire d'Annonay, et un groupe de traitement des eaux, la SOR, à nouveau. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. On avance dans ce programme des mots des sons sensibles qui va très largement déborder. C'est où ce sont peut-être les gouttes qui peuvent faire déborder les vases, hein, et le vase du 12-13 et notre horaire imparti. Mais en tout cas, nous poursuivons et terminons avec une toute dernière intervention parmi ces multiples interventions en effet en divers domaines. Eh bien, de part aussi le Treuil qui réseau. Citoyens qui questionnent ou travaillent sur, réfléchissent sur ces questions de transition écologique et notamment et agricole, eh bien faisaient forcément lien entre eau et agriculture. Je vais donc vous proposer de retrouver cette dernière intervention avec la Confédération paysanne qui était présentée et représentée, ainsi que d'ailleurs son autre syndicat plutôt opposé, la FNSEA. C'est André Bouchu qu'on va retrouver là, qui a été trésorier national de la Confédération Paysanne, membre du secrétariat de la Confédération Paysanne pendant 10-15 ans, membre du bureau et du CA donc de la Conf nationale, porte-parole de la Confédération Paysanne régionale et qui est aujourd'hui dans l'interprofession des fruits et légumes. Vous allez l'entendre pour faire un point aussi sur ces questions de l'eau et d'agriculture, mais qui réagissait aussi dans un premier temps suite aux propos du vice-président de la FDSEA, syndicat agricole majoritaire, qui est intervenu, François Garivier. Mais on écoute André Bouchu, donc, pour la Confédération Paysanne 42. Alors déjà, je le félicite d'être venu, je le félicite d'avoir eu le courage de dire ce que défend la FNSEA au niveau national et la FDSEA. Donc ça, j'apprécie que quelqu'un ait le courage dans une salle qui n'est pas forcément favorable à ce qu'il porte, de l'avoir fait. Après, je suis en total désaccord, que ce soit sur le fait qu'on irrigue tout en grande quantité. La question des bassines, c'est par exemple, il a cité l'exemple des bassines, les bassines sont faites pour privatiser l'eau, on tape dans la nappe, enfin, c'est absolument scandaleux. On veut maintenir des systèmes agricoles pas adaptés sur ces régions-là, à grand coût d'irrigation, on va assécher, enfin, donc c'est absolument scandaleux. Après, il parle qu'il faut faire des OGM ou des NBT aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on adapte la nature au réchauffement. Non, c'est autre chose, il faut changer le système, notre système agricole, l'approche, c'est-à-dire qu'il faut que le sol stocke, enfin, c'est ce qui nous est présenté depuis ce matin, il faut faire en sorte que le sol stocke, alors qu'aujourd'hui, on draine, on fait en sorte, on fait des grands fossés, on fait en sorte que l'eau aille directement le plus vite possible à la mer, puis après on dit, ben, il faut stocker de l'eau. Non, il faut réapprendre à faire que le sol vive plus, que le sol stocke l'eau. C'est ça l'enjeu essentiel, il n'en a surtout pas parlé. Donc c'est vrai qu'entre la Confédération paysanne et la FNSEA, il y a un désaccord profond sur l'agriculture de demain. Il y a vraiment deux modèles qui s'opposent complètement et on en est là aujourd'hui. Ouais. Alors malgré tout, c'est un modèle dominant et c'est ce qu'il disait. C'est la majorité des agriculteurs qui fonctionnent et pensent ainsi. Bon, c'est un point de vue. Vous n'en avez pas la même approche. Changer de système, changer de modèle, c'est ce sur quoi il faudrait tendre. Mais selon vous, cela fonctionnerait de quelle manière sur cette problématique, hein, à la fois de la sécheresse, donc qui touche et impacte fortement le milieu agricole, et la question de l'eau, aux ressources rares et précieuses aujourd'hui. Mais il va falloir chercher une agriculture qui soit sans doute... Il va falloir revenir à la polyculture élevage, chose qu'on avait tendance à abandonner, on spécialisait chaque région. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il va falloir trouver sans doute des espèces un peu plus adaptées avec des chaleurs plus élevées. C'est-à-dire que peut-être que, par exemple, la zone de Ceylieu-Chagnon faisait beaucoup de vin et de vignes, fut une époque pour alimenter les mineurs et la sidérurgie. Ben, peut-être qu'il va falloir revenir à produire plus de raisins de table, du vin, je ne sais pas, mais en tout cas du raisin de table, parce que la France importe 60 ou 70% de son raisin de table, donc ça veut dire qu'il y a plein de choses à inventer, et il y a des choses qu'il faudra abandonner dans certaines régions, il faudra peut-être faire différemment d'élevage, donc consacrer moins de la production de céréales à alimenter de l'élevage, mais par contre faire un élevage de qualité, que les gens consomment moins de viande, de la meilleure viande, enfin, il y a plein de choses, on peut changer, peut-être qu'il faut un peu moins de troupeaux laitants, j'en sais rien, et des troupeaux laitiers qui fassent viande et lait, enfin, il y a plein de choses à imaginer. Moi, je n'ai pas la réponse absolue, personne ne l'a. Mais en tout cas, il faut se poser des questions de fond qui vont dans ce sens-là. Alors ça s'étend vers cet idéal, mais aujourd'hui, l'état des lieux et le constat, il n'est pas celui-ci. Et notamment sur le département de la Loire, on n'est pas véritablement dans cette polyculture élevage. On est plutôt dans de l'élevage et de la culture assez ciblée, céréales notamment, qui semble dominante quand même, hein, dans le paysage local et qui pose précisément ces questions de problématiques d'irrigation, de ressources en eau, justement. Alors oui, c'est le système. Alors l'élevage, sur toutes les zones un peu montagneuses, et l'élevage, c'est la production qui est adaptée. On peut peut-être faire plus de légumes. Enfin, moi, j'habite sur Grandmont et on voit de plus en plus de maraîchage parce qu'on est un peu plus en altitude. On a appris à stocker un peu de l'eau sur la commune, donc c'est plutôt bien. Notamment par des retenues collinaires. Alors, c'est pas par hasard. La personne qui s'occupait de ça dans le département était sur la commune de Grandmont, donc elle a plutôt bien fait son travail. Et je pense qu'il n'y a pas de grosses aberrations et que c'est plutôt intéressant. Chacun utilise globalement des petites quantités d'eau pour faire du légume, pour faire éventuellement un peu d'autosuffisance alimentaire pour les animaux. Donc de dire qu'on ne peut pas irriguer quelques hectares pour l'autosuffisance des animaux serait une erreur. Mais entre ça et irriguer des surfaces, des 1500 hectares de céréales dans des zones inadaptées, comme ce à quoi devaient servir les bassines qui sont tant décriées, c'est deux mondes différents. Il ne s'agit pas de dire on ne peut plus rien faire. Et puis aujourd'hui, la France est déficitaire à 50% en fruits et légumes. Ça veut dire qu'il va falloir, tel que l'a présenté Maxime Piotteri tout à l'heure, dire comment on fait plus de légumes, comment on fait plus de fruits. Ça veut dire qu'il va falloir réfléchir au système d'irrigation, comment on conçoit les vergers, enfin, il y a vraiment plein de questions à se poser. Mais alors quelque part, c'est très très inquiétant et en même temps, c'est un challenge phénoménal pour les générations qui arrivent. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses à réinventer et on a plein de bouts de solutions qui existent. Mais il faudrait que le modèle dominant qui est aujourd'hui à l'aval du gouvernement, très clairement, le président de la République a dit dans une interview que c'est un copain au président de la FNSEA, qui sont tous les deux copains du groupe Avril. C'est pas réjouissant, non pas que j'ai rien contre le groupe Avril, loin de là, mais ça veut dire que le système ne va pas changer. Et on va donner très peu de subsides à l'agriculture qu'il faudrait promouvoir, et beaucoup de subsides à l'agriculture qui est l'agriculture du XXe siècle, qui n'est plus l'agriculture du XXIe siècle. Qu'est-ce qu'il en est là dans les perspectives? Parce qu'on a connu une année 2022, là les données ont été données tout à l'heure, hein, précisément. Une année très sèche, une année très chaude, plus que 2003, année caniculaire, exceptionnelle. Comment ça se présente en cette année 2023 et précisément là avec cet été arrivant, hein, qui s'annonce à nouveau rude, on l'a vu, niveau d'alerte qui risque d'être activé. Comment ça va se passer pour le secteur agricole? Alors pour ce qui est élevage et ce qui est culture céréalière, on vient d'avoir un printemps très pluvieux, donc globalement les plus gros stockages de fourrage sont faits, c'est au printemps, hein, c'est-à-dire que les ensilages ont dû être très bons, globalement très bons en volume, les foins s'annoncent très bons en volume, les céréales avec l'eau qu'on a eue, alors sans doute réparties de manière inégale sur le département, mais vont faire que les rendements seront bons, donc c'est-à-dire que de ce côté-là on n'a pas d'inquiétude. Après c'est les cultures d'été, comment ça va se passer, les retenues collinaires, ce qu'on est surtout sur retenue chez nous, hormis le canal du Forêt, mais on est surtout sur retenue, les retenues ont dû relativement se remplir, donc on n'a peut-être pas une inquiétude phénoménale pour l'agriculture du département, enfin ce que je peux en connaître, hein, ce que je peux en savoir, on n'a peut-être pas une inquiétude phénoménale, quoique si on prend deux mois très très chauds, les surchauffes peuvent faire échauder énormément de plantes, mais c'est pas aussi inquiétant que l'an dernier pour l'instant en termes d'agriculture. Mais c'est vrai que les nappes, la nappe de la Pelle du Forêt, on dit toujours qu'elle n'est pas très bien remplie. Donc ce qui est alimenté par la nappe, ça posera des soucis. Voilà. Alors là, oui, ça c'est un des gros soucis. Alors le gros enjeu, c'est la question du stockage et de collecte de l'eau, hein, finalement, qui va se présenter et qui se présente même. Là aussi, les avis divergent. Hein, la FDSEA l'a pointé à l'instant. Quelle solution retenir en pointant notamment, et vous avez été aussi précisément nommé, hein, dans des solutions aujourd'hui possibles, et on l'a vécu récemment avec les projets méga-bassines et la grande opposition aussi qui s'est manifestée. Forcément, vous y avez été effectivement engagé, investi, positionné. Votre avis aussi sur ces solutions et dont celui-là que l'on vient connaître récemment par ces projets-là, méga bassine, qui semble être là, une solution avancée. Alors, la méga bassine est une fausse bonne solution, si, à la limite, c'est une très mauvaise solution. Il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'on va chercher l'eau dans la nappe. Donc, quand les nappes sont à un niveau moyen, on ne peut déjà plus en prendre. Ça c'est une première chose. Les bassines qui sont proches de l'océan, peut-être que si on tape un peu trop dans les nappes, l'eau salée pourrait arriver, enfin je suis pas spécialiste en la matière. Et puis c'est surtout la question de la répartition. Ce qui a été dit ce matin, c'est comment on répartit l'eau, comment on apprend à la stocker. La personne qui est intervenue de Saint-Étienne Métropole a beaucoup insisté sur le fait qu'il faut arrêter de faire courir l'eau, il faut arrêter de faire en sorte que l'eau s'en aille tout de suite des terrains, des communes, on goudronne, on bétonne. Les agriculteurs ont fait des grands fossés pour évacuer l'eau vite dans la Loire pour qu'elle aille à l'océan. Puis après on dit, mais il nous faut de l'eau pour irriguer. Non, comment on remet des haies pour faire stocker l'eau? Comment on refait en sorte que le milieu vive plus par lui-même? Et c'est vraiment là-dessus. Et c'est ces questions de fond qu'il faut se poser. Alors que les méga-bassines, c'est de dire, on fait perdurer un système, on l'amplifie. La personne de la FDSEA a parlé qu'il fallait remettre en route les OGM. Enfin, c'est de dire, on adapte les plantes au réchauffement climatique, enfin on transforme les plantes parce qu'on bidouille les plantes pour le réchauffement climatique, mais c'est même pas acceptable. Ça veut dire que la biodiversité, qui est notre meilleur garant pour demain pouvoir se nourrir, va en prendre un coup. Donc on ne peut pas accepter de détruire la biodiversité parce qu'on a un réchauffement climatique qui arrive très très vite. Quelles solutions peuvent s'appliquer? Alors, le gouvernement a annoncé un plan eau il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, quelques semaines. Cela s'applique aussi finalement à la politique agricole. Tout à l'heure, on a entendu l'élu en charge du cycle de l'eau à la métropole lyonnaise qui évoquait ses politiques et dispositifs finalement, hein, de reperméabilisation des sols par exemple. Est-ce que c'est des choses qui pourraient s'appliquer, des dispositifs existants dans le secteur agricole précisément? L'exemple le plus facile à expliquer, c'est l'histoire des haies. On met une haie en travers d'une pente, et dans la Loire il y a beaucoup de zones qui sont pentues, que ce soit du côté Mont du Lyonnais ou du côté Mont du Forêt. On met une haie en travers, l'eau au lieu de descendre très vite en bas, elle s'arrête dans la haie, elle s'infiltre, et après elle réalimente les sources qui sont en dessous. Ça veut dire que ça évite que l'eau elle parte trop vite. C'est le plus bel exemple, c'est-à-dire que par endroits c'est la bétonisation, d'autres endroits nous on fait des fossés immenses pour évacuer. Est-ce qu'il faut en faire autant? Il faut en faire par endroit, mais autant c'est pas sûr. Enfin, c'est vraiment tous ces systèmes-là qu'il faut remettre en place. Oui, mais ce système-là répond à la fois à une question de bon sens qu'on n'a plus forcément, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a des politiques, véritablement une réflexion commune, je veux dire la syndicat partagée, qui irait en ce sens précisément? C'est compliqué. Je pense que au niveau, en termes de paysans, on peut s'entendre sur le terrain. Après, au niveau de la vision de l'agriculture au niveau national, il y a vraiment un grand écart. Je pense qu'il faut, avec nos voisins, quel que soit l'endroit où ils sont adhérents, bon, on peut avoir des désaccords, mais on peut trouver des solutions, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, au niveau des organisations syndicales, au niveau national et international, là, il y a vraiment une opposition fondamentale. Les aides PAC vont dans un sens, c'est-à-dire que ce qui est un budget énorme, PAC, c'est la politique agricole commune, donc elles vont dans un sens, elles favorisent l'agriculture. On voit bien qu'on favorise toujours, en termes d'agriculture, les solutions, c'est la robotisation, plutôt que de se poser la question de la main-d'œuvre. Donc on veut robotiser pour faire cueillir par des robots. Enfin, alors qu'on a quand même 3 ou 5 millions de chômeurs, je n'ai pas les chiffres exacts, mais enfin le nombre élevé. C'est-à-dire qu'on a des questions de fond à se poser et on fait toujours une réponse très rapide. C'est les questions de fond à traiter, de remettre en vie plus le sol en augmentant fortement la quantité de matière organique, est intéressante. Il n'y a pas très longtemps, Marc-André Sellos, qui est professeur au musée d'histoire naturelle, intervenait à Saint-Étienne à l'invitation du lycée horticole de Montravel. Il expliquait qu'il faut limiter le labour, parce que chaque fois qu'on laboure, on renvoie beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Ça veut dire, mais c'est des changements de pratique, hein. Que les gens soient adhérents à la Confédération paysanne ou à un autre syndicat, ils ont eu l'habitude de labourer, on expliquait qu'il fallait labourer. Ben, comment on met en route ces autres pratiques? Comment un ministre de l'Agriculture, Le Foll, avait parlé de 4 pour 1000, c'est-à-dire stocker plus, augmenter la matière organique dans le sol. C'est intéressant, c'est ces questions-là qu'il faut développer. Et on devrait mettre énormément de moyens là-dessus. Et ce n'est pas forcément très compliqué, c'est une formation, les lycées agricoles devraient être à fond là-dessus. Enfin, c'est un travail de fond qu'il faut mettre. Les chambres d'agriculture devraient être à fond sur ces sujets-là, au lieu de poursuivre cette fuite en avant de comment on améliore le maïs. Bah oui, le maïs est intéressant, mais s'il est inadapté, il est inadapté. C'est pas par hasard s'il poussait dans des zones humides, chaudes et humides. Quand on devient chaud et sec, ben le maïs, il a un gros inconvénient, c'est qu'en gros, du 14 juillet au 15 août, il lui faut des quantités d'eau phénoménales. Et il ne sait pas attendre, alors que d'autres plantes, ça va attendre. Par exemple, historiquement, pour nourrir le bétail, on faisait des betteraves fourragères. On la plantait au printemps. Une fois qu'elle avait pris, l'été c'était sec, elle attendait. Quand l'automne arrivait, les pluies arrivaient, elle se mettait à grossir. Alors je dis pas qu'il faut que tout le monde fasse des betteraves fourragères, mais c'était pas inintéressant. Ça veut dire qu'il faut revenir à des... Je ne sais pas si c'est la réponse à la betterave fourragère, mais on voit que le sorgho, lui, résiste beaucoup mieux à la sécheresse que le maïs. Alors il a des rendements un peu inférieurs, mais s'il n'y a plus d'irrigation, s'il n'y a plus de tous ces coûts-là, ces surcoûts, est-ce que c'est pas intéressant? Enfin, y a des solutions et techniques, et puis de bon sens, le travail du sol. Vraiment, c'est là la question du sol... du paysage, parce qu'il a induit plein de choses qui sont essentielles. Et juste pour terminer, on est aussi ici dans un forum citoyen, un forum partage eau, partage justement et vision partagée. Alors ça ne semblait pas être le cas de tout le monde justement ici, hein, et notamment de votre syndicat opposé, d'avoir cette vision partagée des choses entre citoyens et professionnels justement. Là aussi on a eu cet exemple avec l'agglomération lyonnaise par exemple tout à l'heure, qui expliquait qu'il y avait une sorte de collège aussi usagé, hein, de l'eau, participant à la régie publique du cycle de l'eau sur Lyon. Est-ce que sur le secteur agricole, ce serait chose possible? Comment vous le voyez, vous, cette vision partagée aussi, citoyenne, justement? De toute façon, hors du dialogue, on n'y arrivera pas. Enfin, je veux dire que l'opposition frontale, à un moment donné, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il va bien falloir qu'on se mette autour d'une table et qu'il y ait les lobbies agricoles qui sont agro-industriels derrière le syndicat FNSEA, hein, faut pas rêver, c'est eux quand même qui pilotent, c'est pas par hasard, ça fait 2 fois qu'on a le président de FNSEA qui est président du plus gros groupe agro-industriel français, ça veut dire que c'est quand même ces gens-là qui ont le pouvoir dans ce syndicat-là et qui induisent une politique agricole. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'en paysan, on arrive à se reparler autrement, et je suis un peu déçu que la responsable départementale au niveau de la Loire, on n'est quand même pas un gros département d'agro-industrie, tienne des propos dignes de ce que le président FNSEA, Rousseau, tient aujourd'hui. Enfin, je suis un peu surpris. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on prenne le temps de dialoguer, de se remettre autour d'une table, que les chambres d'agriculture fassent un travail autre sans doute que celui qu'elles font, que des lieux comme le Treuil, qui est organisateur de celui-là, aient plus de place, qu'on continue à avancer. Et puis, il faut qu'on se rencontre. Sans la rencontre entre les femmes et les hommes, on n'y arrivera pas. Alors, on se poursuit et on va aller la suivre. Merci, André-Louis. André Bouchu à l'instant pour la Confédération Paysanne, et oui, qui revient sur ses politiques agricoles finalement, et cela a été plus ou moins énoncé lors de l'annonce du plan eau, parlons de sobriété, par le président Macron fin mars dernier, s'agissant de réinventer les modèles agricoles, faire évoluer les logiques de stockage de l'eau, certes, mais c'est aussi, voilà, et bien tranché, hein, c'est ce qu'il va falloir faire avec le modèle agro-industriel productiviste actuel dominant. En effet, vaste chantier en perspective, chose non gagnée. Voilà pour cette émission spéciale consacrée à ce forum Partageau, donc qui se tenait le 15 juin dernier à Chambœuf, démarche citoyenne dans la Loire, forum départemental et citoyen sur l'usage de l'eau. On le rappelle, au-delà de ce forum et de ce colloque finalement, hein, c'est aussi en objectif de doter le département de cet outil de montée en compétences, de partage, d'échange, de propositions, une structure ouverte de veille et d'expertise citoyenne sur cette question de l'eau. Nous remercions vivement le Treuil, le tiers-lieu rural, pour l'accueil et la mise en place de ce forum. Je rappelle que vous pourrez retrouver restitution aussi audio-vidéo de ce forum sur leur site dédié letreuil.fr, qui devrait donc être disponible d'ici peu. Pour terminer définitivement ce programme 90 minutes consacré spécial à ce forum partage eau et cette question de l'eau, eh bien la transition est toute faite, sans vilain jeu de mots, avec eh bien l'actualité saisissante concernant notamment les soulèvements de la terre et la question de l'eau qui est aussi au cœur hein, finalement des actions que peuvent mener le mouvement et le collectif. Nous sommes le 22 juin, hier 21 juin en Conseil des ministres, le gouvernement a enclenché la procédure de dissolution des soulèvements de la terre. Voilà, interdiction de s'organiser finalement, des arrestations au domicile de militants, militantes. Ce fut le cas il y a deux jours de cela. En tout cas voilà, attaque, violence, symbolique aussi, on peut le dire, de par cette dissolution et initiative ministérielle. Néanmoins, le mouvement Soulèvement de la Terre n'entend pas en rester là et met tout en place en termes juridiques également pour pouvoir faire face et faire front avec un appel des soulèvements qui a été lancé. Là aussi, vous avez toutes les infos sur le site lessoulèvementsdelaterre.org. Eh bien, appel à rejoindre les plus de 180 comités locaux qui se sont formés ces derniers mois, avec des centaines de résistances territoriales, de luttes locales, qui sont toujours très actives, et notamment des prochaines échéances qui ont été posées dès cet été, deux temps d'action essentiels pour le partage de l'eau en plein été et en pleine sécheresse historique, le convoi de l'eau de Poitiers à Paris, du 18 au 27 août prochain, ou encore la campagne d'action 100 jours pour les sécher. Vous avez toutes les infos, je le disais, sur le site dédié des soulèvements de la terre. Voilà, différents canaux créés en solidarité par des soutiens ou des orgas hébergent finalement les multiples voix décentralisées qui se revendiquent aujourd'hui être les soulèvements de la terre, des médias, et en finalement aussi entend peut-être très modestement à contribuer à cette démarche et initiative là. Alors des infos tout à fait en ce sens justement, avec un ciné-débat autour des méga-bassines que l'on a abordé à l'instant, et le film De l'eau jaillit le feu, qui a été projeté précisément par l'association Vert de Terre en présence de Partageau et des amis du Treuil. C'était semaine dernière, vendredi dernier, au Méliès Saint-François, qui revient sur la situation dans le Marais Poitevin précisément. Eh bien, à noter que ce film documentaire De l'eau jaillit le feu sera projeté à nouveau, ce sera cette fois dans la plaine du Forêt, et oui, une nouvelle fois, après ce forum de l'eau de Chambœuf, c'est Saint-Just à Rambert et le Family Cinéma qui va accueillir ce soir, ce jeudi 22 juin à 20h30, la projection de ce film documentaire De l'eau jaillit le feu, avec débat qui devrait s'en suivre. Et puis c'est organisé par les Amis d'Elzéar, qui est un aussi une association qui travaille sur ces questions de l'eau mais d'environnement de manière générale. Et puis autre information, tout en lien, on évoque les méga bassines. Eh bien, vous dire aussi que voilà, on n'est pas prêt de changer de modèle, notamment en ce qui concerne le stockage de l'eau, puisqu'on évoque les méga bassines, toujours d'actualité. Eh bien, dans notre région, et oui, département voisin en Auvergne, il y a un projet des deux plus grandes méga bassines de France à côté de Billon, une de 18 hectares, une de 15 hectares, soit 11 places de Jaude, la place de Clermont-Ferrand en surface, soit encore 900 piscines olympiques en volume d'eau représentées. Voilà, on imagine que ces projets aussi seront à nouveau à l'ordre du jour côté actualité et sans doute côté mobilisation. Et puis on vous renvoie encore sur le site le numéro 0.info pour des actions tout à fait en ce sens de mobilisation prévues très très prochainement. Pour exemple, ce 24 juin, cette fin de semaine, c'est le 5e chantier festif du verger du Turfu qui est menacé d'artificialisation. C'est dans le département voisin, c'est au croisement de la Drôme, de l'Ardèche, de la Loire, de l'Isère. Vous avez toutes les infos sur le site, le numéro 0. Et puis une autre mobilisation, c'est le 27 juin prochain, là on est beaucoup plus proche dans la région. Stop Bitume, manifestation à 18h45 le 27 juin prochain à Montbrison, au 17 boulevard de la préfecture, pour dire non à la centrale. C'est la préservation de l'eau là aussi qui est en jeu, et puis la nature bien au-delà. Une centrale de bitume qui est prévue, la centrale de bitume de Boin dont on a déjà parlé, et bien on aura l'occasion aussi d'y revenir semaine prochaine, mais là encore vous avez toutes les infos en détail sur le site du numéro 0. Voilà, c'est définitivement la toute fin de ce programme des mots, des sons sensibles. On se retrouvera pour la toute dernière ligne droite et dernière semaine avant la coupure estivale. Ce sera semaine prochaine pour trois nouveaux rendez-vous des mots des sons sensibles. Lundi, un programme autour de, on va dire, nos partenariats forts de cette fin de saison et d'été, les événements, festivals, cette colline et j'en passe qui sont à l'ordre du jour. Il y aura du jeu concours également prévu pour ce lundi. Conseil municipal, on l'a évoqué, prévu lundi après-midi. Nous allons le suivre attentivement pour vous en rendre compte dès mardi. Et puis on se retrouvera pour le dernier MAC des mots des sons. Ce sera jeudi prochain. Bref, on se retrouve donc lundi, même lieu, même heure. On termine en musique avec un morceau qui me semble plutôt tout à fait bienvenu pour évoquer tout ce sujet développé, décliné aujourd'hui, financiarisation de l'eau, le commerce de l'eau. C'est un titre de Dominica et cela nous permet aussi de faire finalement la jonction et de suivre le fleuve Loire, et oui, au fil de l'eau, entre la source, par ici, pas très loin, et l'embouchure du côté de Nantes. Le Nantais Dominica chantait le commerce de l'eau sur l'album Augury. Ce sera en guise de générique de fin de ce programme des mots, des sons sensibles. Tout bon chez vous, portez-vous très bien. Ciao, bye. Certains plus loin se livrent au commerce de l'eau. Comme ils flairent une faillite, ils prennent des airs salauds. Et ils monnaient la pluie, et nous faisons l'amour. Des barques filent tout près, on en voit écoper. Renvoyant l'eau à l'eau, la pluie semblait pourtant inoffensive et douce, discrète comme l'instant. Qui se laisse suspendre et nous fait nous aimer. Et la pluie se monnaie dans les maisons de thé.